Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange, et comme chaque jeudi, nous plongeons dans l'histoire des sciences. L'idée selon laquelle les mathématiques seraient apparues avec Thalès et Pythagore a eu la vie longue. On sait désormais que la notion de calcul est apparue bien avant, de manière à peu près certaine, avec les civilisations paléo-babyloniennes et peut-être même avant. Mais un grand flou entoure encore l'apparition, faut-il dire, l'invention des mathématiques et des capacités de calcul graphique. Une équipe de mathématiciens australiens vient de proposer la relecture d'une célèbre tablette babylonienne comme posant les rudiments de la trigonométrie. Mais la question reste entière, quand et comment les humains ont-ils appris à calculer ? Quand l'humanité a-t-elle appris à compter ? C'est le passionnant problème que nous allons tenter d'éclairer, non pas de résoudre, dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, et pour raconter cette histoire et remonter à l'origine des mathématiques, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en duplex depuis les locaux de nos confrères de France Bleu Hérault à Montpellier, Christine Proust, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS et membre du laboratoire Sphère à l'université Paris Diderot. Et nous sommes ici depuis le studio de France Culture à la Maison de la Radio avec Jean-Jacques Glasner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, directeur de recherche émérite CNRS et ancien enseignant à l'EHESS. Vous pouvez suivre, et ça va être important comme soutien visuel, vous allez le comprendre, cette émission en parallèle sur Twitter où nous allons poster un certain nombre de liens, comme d'habitude, vers des études, vers des images, vers des illustrations de ce dont nous allons parler tout au long de l'heure. Vous pouvez donc nous suivre en vous abonnant au compte de l'émission @laméthodefc. Alors, on va commencer directement par mettre les pieds dans le plat, si vous me passez l'expression. Je le disais à l'instant, hein, deux mathématiciens australiens ont proposé fin août une nouvelle interprétation d'une tablette paléo-babylonienne célèbre. Il s'agit de la tablette Plimpton 322. Ils y voient les bases d'un système de trigonométrie, et ce 3000 ans avant Pythagore, puisque la tablette est datée d'environ 3700 ans avant notre ère. Alors cette interprétation a donné lieu à un certain nombre de controverses. Mais avant peut-être de vous demander votre avis, hein, à l'un à l'autre sur cette nouvelle interprétation, peut-être Christine Proust, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce que c'est que cette tablette Plimpton 332? Qu'est-ce qu'on y voit? 322, oui. Juste une toute petite précision de date. Elle est datée de environ de 1800, je dirais, avant notre ère. Ah, mais donc c'est une erreur de ma part. Moins vieille, oui, que j'annonce. Que ce que vous l'espériez. Et alors c'est une tablette qui a été trouvée dans des fouilles, on va dire, en marge de la légalité par un archéologue aventurier qui s'appelait Banks et qui a été vendue à un collectionneur qui s'appelait Plimpton et qui a dans un premier temps été prise pour un compte administratif et ensuite a été élucidée comme un texte mathématique et publiée par Otto Neugebauer en 1945. Mmh. Voilà. Voilà pour ce qui est de sa découverte. Et alors, peut-être quelques mots sur son contenu. Bien sûr, évidemment. Trop rentrer dans des détails techniques. Mmh. Alors, c'est une tablette qui contient un grand tableau sur la face, sur le côté le moins bombé de la tablette qu'on appelle la face. Un grand tableau de nombres. Ce sont des nombres écrits en notation sexagésimale positionnelle. Je suppose qu'on expliquera un petit peu plus tard ce que signifient ces grands mots. On va revenir là-dessus Et, dans quelques minutes. Ce sont des nombres de très grande taille, d'une part, ce qui est déjà assez remarquable sur le plan mathématique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chiffres. Et ces nombres, à leur façon, reflètent une liste de ce qu'on appelle des triplets pythagoriciens. Mmh. Aujourd'hui, Pythagore étant bien plus tardif que l'époque de cette tablette, donc c'est un nom un petit peu anachronique, mais les triplets pythagoriciens, ce sont des triplets, donc trois nombres, qui ont la propriété suivante, le carré du premier plus le carré du deuxième égale le carré du troisième. ce qui par ailleurs est la propriété caractéristique des longueurs des côtés du triangle rectangle. La fameuse Alors équation voilà A carré plus B carré égale C carré. C'est... Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Donc voilà pour ce qui est en gros de son contenu et ce qui déjà en indique le caractère assez remarquable sur le plan mathématique. Alors il y a une liste sur la face, donc sur la partie préservée de la tablette, il y a une liste de 15 triplets qui sont tous indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que ce sont pas des triplets qui se déduisent les uns des autres simplement, par exemple en les multipliant par 2 ou par 3. Ils sont tous indépendants, c'est-à-dire qu'ils représentent des triangles qui sont différents. Et il y en a 15. Et la tablette avait été préparée avec des traits de colonnes qui se poursuivent sur la tranche et le revers, si bien que, en fait, on s'est rendu compte que ces 15 triplets n'étaient que le début d'une liste beaucoup plus complète qui probablement en contenait une quarantaine. Voilà. Donc on vient de mettre une image justement de cette tablette Plimpton 322 sur notre fil Twitter. Alors la question est la suivante, cette interprétation des mathématiciens australiens publiée cet été, qui a été reprise assez largement en disant ça y est, finalement les Babyloniens maîtrisaient la trigonométrie. Vous êtes beaucoup plus prudente, Christine Proust, quant à cette interprétation. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi ? Oui, alors d'abord, je voudrais en préalable faire une remarque qui est que, quelles que soient les critiques qu'on peut avoir sur cette interprétation, et elles sont assez sérieuses, ce papier a eu le mérite de mettre au devant de la scène quelque chose, je crois, qui ne l'avait jamais été dans l'histoire des médias modernes. Et c'est-à-dire les mathématiques de Mésopotamie, et je trouve que c'est plutôt réjouissant. Donc je m'en félicite. Ça c'est pour le point positif. Voilà, ça c'est le point positif, et cette émission à laquelle nous participons aujourd'hui en est un des témoignages. Voilà, la première chose. Bon, alors ensuite, pour ce qui est du contenu du papier, alors je dirais que il y a une analyse mathématique qui est et une hypothèse basée sur cette analyse mathématique, et cette hypothèse, c'est que cette table aurait servi à résoudre le triangle rectangle. C'est-à-dire résoudre le triangle rectangle, ça veut dire quand on a deux côtés d'un triangle rectangle, trouver le troisième, tout simplement. Et la table aurait servi à ça, ce qui est une hypothèse qui est recevable, qu'on peut prendre en considération, mais qui, à mon avis pour l'instant, n'est pas du tout confirmée par les sources mathématiques que nous connaissons aujourd'hui de cette période et de cette région. Ça, c'est une première chose. Donc, je dirais une hypothèse mathématiquement plausible et historiquement non fondée, ce qui méritait d'être publié. Mais alors, ensuite, il y a tout l'aspect, tout ce que les auteurs du papier en ont dit et ce qui s'est diffusé très largement, à savoir que ce serait une table de trigonométrique 1500 ans avant celle que l'on connaît de Pythagore, des sources grecques. Et alors là, on est dans un tout autre domaine qui n'est pas, à mon avis, qui n'est pas celui de la rigueur scientifique. On va parler évidemment en longueur de l'interprétation que l'on peut faire aujourd'hui de ces mathématiques babyloniennes et mésopotamiennes. Ce qui est important peut-être à noter, Christine Proust, et puis je poserai la question tout à l'heure à Jean-Jacques Glasner, c'est précisément la notion de source et de contexte de ces sources pour pouvoir avancer une quelconque forme d'hypothèse ou de théorie historique des mathématiques, Christine Proust. Alors, c'est une évidemment c'est la grande question, parce que c'est justement le contexte qui permet d'évaluer la valeur d'une hypothèse. Est-ce qu'elle est plausible ou pas? Historiquement, est-ce qu'elle est confirmée ou pas? Et le contexte est assez bien connu, puisque d'abord le contexte, c'est d'abord les textes qui ont été produits à la même époque et dans la même région, les textes mathématiques, et dans lesquels il n'y a aucun indice qui pourrait faire penser que cette table Plimpton 3 qu'on trouve dans la tablette Plimpton 322 était utilisée pour faire ces approximations de triangle rectangle. Donc les sources ne confirment pas, et plus important encore, les mathématiques de cette époque n'utilisent pas du tout la notion d'angle. Mmh. Or, quand on parle de trigonométrie, le sens accepté communément du mot trigonométrie, c'est une science des relations entre les angles et les côtés d'un triangle. Et dans cette tablette, pas plus que dans les autres textes mathématiques de l'époque, il n'y a la moindre notion d'angle. Et de ce point de vue-là, le terme me paraît de table trigonométrique me paraît inapproprié. En plus du fait que son usage comme table d'approximation me paraît discutable, mais le mot même de trigonométrie est problématique. Il induit des idées qui sont, à mon avis, tout à fait anachroniques. Mmh. Voilà deux exemples d'éléments de contexte qui font que quand on fait une spéculation mathématique, c'est une chose et ça peut être très intéressant. Il y a eu des cas, en particulier au sujet de cette tablette, où des mathématiciens ou des informaticiens ont développé des spéculations mathématiques qui se sont avérées être des outils tout à fait précieux pour comprendre comment cette liste a été fabriquée. Donc le fait de faire des spéculations mathématiques n'est pas en soi quelque chose de condamnable d'un point de vue d'historien, mais ensuite il faut confronter ces spéculations mathématiques à ce qu'étaient réellement les cultures mathématiques dans lesquelles les textes qui sont écrits ont été produits. Mmh. Jean-Jacques Glasner. Oui, Christine Proust connaît cette chose beaucoup mieux que moi, et je vais parler de souvenirs anciens, mais effectivement, on ne connaît dans aucune tablette et dans aucune source, on ne connaît l'appréciation babylonienne de l'angle. Et il existe, si ma mémoire est bonne, mais Christine me corrigera, il existe des exemples de carrés de l'hypoténuse qui sont donnés avec des angles qui visiblement ne sont pas droits. Or, ils n'avaient pas la notion d'angle, ils avaient la notion de rencontre de droite. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, le théorème de Pythagore, ils ne l'ont pas inventé, mais ils ont quand même découvert un certain nombre de réalités. Alors, ce texte, que je n'ai jamais vu de près, sauf une fois en photo quelque part, c'est effectivement une liste qui présente des variantes autour d'un même élément de base. Et ça, c'est la façon de travailler scientifique des anciens babyloniens. Que ce soit le droit, la divination, c'est-à-dire l'astrophysique en matière d'investissement social, etc., partout, ils ont écrit des traités qui étaient des listes de cas concrets. La somme des listes ne faisait pas la synthèse. Il y avait une donnée. On vous interroge sur « que savez-vous sur cela ?» Vous ne donnez pas une réponse synthétique, vous faites la liste de tous les exemples qui sont connus dans les traités et dans les manuels. C'est un système qui est la pensée par cas, c'est-à-dire la casuistique, ça existe toujours. Et c'était très pratiqué encore dans les dictionnaires encyclopédiques du Moyen-Âge, où quand on vous demandait quelle est sous l'entrée justice, on avait une liste, peu importe qu'elle fût complète ou non, de tout ce qui était traité par la justice. Voilà. Donc c'est une manière d'opérer qui est typiquement babylonienne ou mésopotamienne en général. Voilà, je vais pas. De recensement du réel. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'au recensement du réel, parce qu'ils inventaient aussi des choses qui n'existaient pas et qui intégraient les listes en question. Ils allaient jusqu'à l'extrême pour une raison très simple. Le cosmos, pour eux, ils n'ont pas connu Galilée, était une unité. C'est-à-dire que les astres, les dieux, les hommes, les papillons, tout ça relevait d'un même ensemble. C'est Galilée qui a distribué les choses autrement. Donc on ne peut pas le leur reprocher, ça a duré longtemps. Et c'était vraiment... Il n'y a pas de recueil d'ensemble. Le cosmos était toujours susceptible de retomber dans le chaos. Le roi qui rendait une mauvaise décision en justice menaçait le cosmos dans son intégralité. Il faut bien comprendre cela. Donc on s'éloigne un peu des mathématiques, mais je voulais dire, c'est dans quel esprit travaillait-il ? Bien sûr. J'aimerais juste, en quelques mots, peut-être Christine Proust ou Jean-Jacques Glasner, qu'on pose un ou deux petits jalons sur cette question et qui recoupe ce dont on vient de parler sur la notion de source, de multiplicité des sources qui permettent ou non une interprétation. Avant ces tablettes babyloniennes, Christine Proust, quels sont les éléments dont on dispose qui pourraient éventuellement attester d'une forme, non pas de calcul, mais en tout cas de numération ? Oui, alors si, est-ce que vous me permettez avant de répondre à votre question, d'apporter quelques informations supplémentaires par rapport à ce que je disais tout à l'heure et ce que vient d'évoquer Jean-Jacques Glasner. Bien entendu. À savoir le problème de comment cette liste a été fabriquée. Mm-hmm. Parce que c'est une des questions qui est absolument fascinante quand on travaille sur les textes mathématiques, sur les textes divinatoires, sur les textes astrologiques et médicaux, c'est comment ces listes sont fabriquées. Bien entendu. Et c'est un monde, cette question, c'est un monde. Et il se trouve que cette tablette-là, justement, il y avait eu des spéculations mathématiques sur la façon dont on pensait qu'elle pouvait avoir été fabriquée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a trouvé ces triplets pythagoriciens. Et c'est des historiens ou mathématiciens qui avaient envisagé l'idée que chaque triplet était fabriqué à partir d'une paire d'inverses. Je ne rentre pas sur le détail parce que ce n'est pas ça qui est important dans ce que je veux dire, mais cette théorie a été confirmée par des textes qui ont été déchiffrés récemment par un historien des mathématiques cunéiformes qui s'appelle Joran Friberg. Et il se trouve que lui, il a trouvé dans des textes la confirmation du fait que, en effet, ces triplets ont été fabriqués de cette façon-là et on connaît maintenant, grâce à ces textes qui datent de la même époque, des textes mathématiques qui datent de la même époque, eh bien, on sait comment ces triplets ont été fabriqués, par quel algorithme ils ont été fabriqués. Et donc, derrière cette tablette, il y a des algorithmes pour fabriquer la liste et des algorithmes quand on a une paire d'inverses pour fabriquer le triplet, donc deux types d'algorithmes. Ce qui est assez moderne comme type d'approche des mathématiques, hein. Ce sont des mathématiques algorithmiques et qui montrent le degré d'élaboration et de sophistication des pratiques mathématiques et en particulier du calcul numérique à cette époque. Voilà. Alors c'était un petit complément d'information tout à l'heure et on va encore une fois revenir en détail sur ce système de calcul numérique, sur la façon dont on l'a découvert et ce qu'on en connaît et précisément de son degré de complexité et comment il évolue d'ailleurs avec le temps. Mais juste je vous demandais peut-être un ou deux petits jalons justement sur ces premières traces putatives en tout cas de numération et de calcul avant d'en arriver à la Mésopotamie. Alors, je vais commencer par la naissance de l'écriture. Il y a quelques jalons au 4e et 3e millénaire. Je vais commencer par juste évoquer la naissance de l'écriture et ensuite je laisserai Jean-Jacques Glasner, qui a une connaissance beaucoup plus étendue que moi et surtout des théories extrêmement intéressantes, des interprétations extrêmement intéressantes de ces textes. Alors, la naissance de l'écriture, donc fin du 4e millénaire, ce sont des textes qui, ces premiers textes écrits, sont des textes qui contiennent essentiellement, mais pas que, des nombres et des quantités et des systèmes de quantification de toutes sortes de choses, hein, du grain, de l'huile, des surfaces, des domaines, toutes sortes de choses. Et si on accepte de façon très large de considérer que les mathématiques, ce sont les pratiques de quantification, enfin, disons que les pratiques de quantification sont des formes de mathématiques, alors à ce moment-là, l'origine de l'écriture coïncide d'une certaine façon avec l'origine des mathématiques. Alors ça, c'est vraiment les premières étapes pour ce qui nous est connu, pour ce qui est parvenu jusqu'à nous par des textes écrits. Évidemment, on ne sait pas ce qui a pu se passer avant ou à côté dans des pratiques non écrites. Et ensuite, il y a d'autres jalons au cours du troisième millénaire dont peut-être je parlerai tout à l'heure, mais on peut peut-être s'arrêter un moment sur cette première étape. Étape, tout à fait. Je me retourne vers Jean-Jacques Glasner. Je vais dire de manière peut-être un peu caricaturale, et ne me jetez pas la pierre tout de suite, mais que c'est un peu la question autour de laquelle on tourne, à savoir est-ce qu'effectivement c'est le calcul qui amène à l'écriture, est-ce l'écriture qui amène au calcul. Qu'en pensez-vous, Jean Glasner, sur cette assertion que vient de nous proposer Christine Proust? Enfin, Christine Proust n'a pas dit ça exactement, mais bon, l'écriture est inventée d'abord, elle n'apparaît pas. Moi je préfère dire qu'elle est inventée, parce que c'est des hommes qui se mettent ensemble et qui décident de faire quoi ? De rendre visible la langue. Ça, c'est une chose importante. Cela dit, ils ne veulent pas traduire en signes visibles la prononciation des mots. Aristote a bluffé tous les philosophes depuis son 4e siècle jusqu'à nos jours. Il a menti. Il a dit que l'écriture reproduit la langue orale. Il savait très bien, parce que de son vivant, Athènes avait découvert que le système d'écriture ionien ne correspondait pas à la langue attique, et donc ils ont inventé un autre alphabet, du vivant d'Aristote. Alors ce brave bonhomme a menti à tout le monde, puisqu'il savait très bien que l'écriture n'était pas capable de transcrire la parole. Donc ce n'était pas ça le sujet. Pour simplifier, on a inventé une écriture qui, quand on regarde des signes et qu'on regarde comment ils sont faits, était en réalité, pour une bonne part, pas toujours, un commentaire du mot. Quand on a un savant, le mot « savant » en sumérien « abgal », et qu'on l'écrit « nun me », deux signes de l'écriture à prononcer « abgal », on prend « nun », personnage éminent, et « me », un pronom qui renvoie à soi-même. Donc, moi, je suis éminent, je suis un abgal, je suis un savant. Vous voyez, c'est quelque chose de plus que le mot de la langue orale. Quand on veut écrire « mouton », on prend le signe, c'est une croix, qui signifie chèvre en général, et on l'entoure d'un cercle, et on dit c'est mouton. Donc c'est une catégorie de chèvre, ce qui est vrai en fait, puisque le mouton a été fabriqué par l'homme à partir de la race des chèvres. Donc voilà, deux exemples très simples, on pourrait multiplier à l'infini. Donc voilà, l'écriture n'est pas la reproduction de la langue orale, mais elle l'accompagne, et elle a la même fonction critique que l'oralité. L'oralité permet d'avoir une distance avec les choses, l'écriture aussi, c'est pas la même distance, c'en est une autre. Voilà, alors maintenant, le calcul dans l'invention de l'écriture. Ben, on a trop peu de documents pour vraiment le savoir. Il y a un grand préhistorien que je ne citerai pas, qui a expliqué que tout vient du calcul. Et une archéologue illustre dans le domaine mésopotamien a écrit des livres et des articles pour dire que les premiers calculi n'étaient pas des signes d'écriture, étaient bien antérieurs à l'écriture, et ils sont répandus entre le 10e millénaire et le 1er millénaire, depuis la Méditerranée jusqu'au Gange, et de la mer Caspienne jusqu'au golfe d'Oman. Les calculis, précisons juste que ce sont ces petits cailloux, ces jetons qui permettent de dénombrer, voilà, de faire du commerce, d'attester de l'exactitude du commerce ou de la dette. Exactement. Nous sommes dans le concret. Nous ne sommes pas dans les nombres abstraits des mathématiques, nous sommes vraiment dans le calcul. Eh bien, cette thèse est entièrement fausse. Parce que quand on regarde de près, on découvre que l'humanité aurait fabriqué un langage où chaque mot était nouveau. Parce que les attestations dont elle dispose, c'est une par catégorie. La seule, parfois il y en a deux ou trois, mais sur 7000 ans et sur une surface aussi grande, ça ne signifie rien du tout. On a une centaine de petits clous. Alors ça commence à devenir intéressant. Est-ce que vous imaginez la Terre dans la nuit et l'obscurité de la préhistoire, couverte de forêts, où le silence est rompu par l'homme qui, à l'aide de marteaux, plante des clous? C'est absolument absurde. Une société, même pastorale, ne se construit pas comme ça, a fortiori un agriculteur. Elle a trouvé un seul jeton qui signifierait farine, un seul. en 7000 ans, s'intéressaient pas à la farine, les gens de l'époque, qui étaient des agriculteurs. Donc c'est tout à fait... Bon, je caricature un peu, mais c'est pour bien expliquer que voilà une théorie fausse. Le calculi apparaît peu de temps avant l'écriture, lorsque on prend des petits jetons et qu'on les met ensemble dans une bulle en argile. Là, ils prennent une signification. On compte. Et pendant 3000 ans, en Mésopotamie, ces petits calculis dans des bulles d'argile seront utilisés parallèlement à des chiffres inscrits sur des tablettes en cunéiforme. C'est l'exemple de contrat de pacage. Le propriétaire du bétail a la tablette, le berger a la bulle. Normalement, un bon berger, il accroît le nombre d'animaux. Donc, au bout d'un an, quand les deux se retrouvent, on casse la bulle. On découvre que, dans la réalité, je dis ça n'importe comment, il y a 75 brebis. Dans la bulle, il y a les calculis pour 62. Donc il a fait son boulot. Mm-hmm. Le troupeau a augmenté. Vous voyez, c'est très simple. Mm-hmm. Voilà, donc ça marche parallèlement. Mais pour finir rapidement, parce que c'est un peu long peut-être... C'est passionnant, donc on vous écoute avec intérêt. Pour le moment, on a très très peu de documents sur le premier moment de l'invention d'écriture. Mais on a une chose. On a un texte dans lequel il existe un nombre inscrit par une encoche accompagné d'un signe qui appartient au registre général de l'écriture pour dire tous les mots de la langue. Ça voudrait dire que les nombres écrits et le registre général des signes pour marquer tous les mots de la langue ont été inventés dans un seul mouvement. Je me retourne vers Christine Proust. Je vais faire une assertion, certainement toujours à l'emporte-pièce, que vous allez corriger, réfuter ou au contraire préciser. Est-ce que on peut dire, dans la suite de ce que vient d'évoquer Jean-Jacques Glasner, que les premières formes d'écriture numérique sur tablette cunéiforme, c'est qu'on quitte le domaine de la numération, de la comptabilité, de l'échange, du commerce, pour arriver vers la création, la conception de nombres abstraits, ou est-ce que c'est aller beaucoup trop vite en besogne que de dire ça, Christine Proust ? Oui, alors bien sûr c'est difficile de répondre à la question, d'abord parce que on ne sait pas très bien quel était le but de ces textes archaïques, et c'était pas nécessairement des instruments de gestion des biens. Comme l'a fait remarquer tout à l'heure Jean-Jacques Glasner, ils avaient, avec l'exemple là du berger, ils avaient quelque chose comme une valeur juridique. C'est-à-dire l'enregistrement d'un contrat qui est passé entre des personnes. Et donc, déjà, on a une fonction de ces textes qui est sans doute beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer en pensant, bon, je compte les entrées, les sorties, le bilan, etc. C'est sans doute déjà, dans des sociétés humaines beaucoup plus complexes, des fonctions beaucoup plus complexes. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que dès ces textes, dès l'époque des premiers textes écrits, donc ces textes qu'on appelle archaïques... Nous sommes à quelle période ? En un mot ? Donc, fin du 4e millénaire, début du 3e millénaire, c'est la même époque que celle dont parlait tout à l'heure Jean-Jacques Glasner. On a des systèmes de numération et de mesures et d'unités de mesure qui sont extrêmement complexes, mais où il y a déjà une très forte dominante du facteur 6 et 10, c'est-à-dire, grosso modo, des structures sexagésimales. Ce n'est pas des notations positionnelles, mais la structure sexagésimale est déjà très très forte. Mais moi, je dirais pas que ce sont des textes mathématiques. Parce qu'un texte mathématique suppose une intention de traiter un problème mathématique. Alors, évidemment, les gens qui ont écrit ces textes aussi anciens, ils n'ont pas marqué quelque part quelles étaient leurs intentions. Donc, c'est quelque chose qui relève de l'interprétation. Et ce qui pose la question de à quoi on reconnaît un texte mathématique. Et il se trouve qu'en Mésopotamie, on a quand même des... C'est pas toujours possible, hein, mais en Mésopotamie, on a quand même des indices. Les textes administratifs, généralement, ils se terminent par le nom des personnes qui sont impliquées dans la transaction, des témoins, des noms de lieux, et puis des dates. Dans les textes mathématiques, il n'y a jamais tout ça, ni nom propre, ni date. Dans un texte administratif, on a une liste, par exemple, de denrées, 50 moutons, 300 jarres de grains, etc., qui n'est pas régulière. Dans un texte mathématique, on aura un, mettons, je dis hectare, hein, c'était pas l'hectare, la mesure de surface de l'époque, un hectare, deux hectares, trois hectares, quatre hectares, et à chaque fois, quelle est la surface, quel est le côté du carré correspondant. Donc, on a une structure qui est régulière, ce qu'on n'a pas dans les textes administratifs. Donc, on a toute une série d'indices qui permettent de dire ce texte est probablement un texte mathématique. Et alors, de ce point de vue-là, les textes mathématiques les plus anciens datent d'époque pré-sargonique, c'est-à-dire grosso modo milieu du troisième millénaire avant notre ère, mais ils n'utilisent pas la notation positionnelle encore. Ce sont des textes mathématiques qui sont liés à l'évaluation des surfaces, qui était une question absolument essentielle pour les personnes qui avaient du pouvoir dans les cités de l'époque. Et ces textes mathématiques n'utilisent pas la notation positionnelle, mais ont un but de mathématiques. Et on va reparler de ces premiers textes mathématiques. On va voir que on a là pour le coup un nombre de sources conséquents. On va essayer de comprendre d'où ils proviennent et ce qu'ils établissent dans quelques secondes. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Babylonian Fingers d'Ahmed Mouktar à 16h33 sur France Culture. Vous écoutez la méthode scientifique et nous parlons de ces premières tables de calcul, de ces premiers textes mathématiques de l'époque paléo-babylonienne. Et après, nous en parlons avec Christine Proust qui est avec nous en duplex depuis l'écho de France Bleu Hérault à Montpellier. Christine Proust qui est directrice de recherche CNRS et membre du laboratoire Sphère de l'université Paris Diderot et ici à Paris avec l'historien Jean-Jacques Glasner, directeur de recherche émérite au CNRS et ancien enseignant à l'EHESS. Un mot, Christine Proust, précisément pour reprendre la conversation là où nous l'avions laissée sur ces sources. On parle de nombreuses sources qui seraient des textes d'apprentissage issus d'écoles de scribes. Vous pouvez nous expliquer un peu cela, s'il vous plaît ? Tout à fait. Alors là, on va sauter quelques siècles et atterrir au début du deuxième millénaire, donc quelques siècles après ces tables de surface dont je parlais tout à l'heure. Et le contexte de cette époque-là qui est absolument spectaculaire, c'est celui du développement des écoles de scribes qui avaient déjà commencé avant, mais qui ont laissé énormément de traces, de textes écrits, de traces archéologiques datant du début du deuxième millénaire. Et c'est donc dans le contexte des écoles de scribes qu'ont été écrits l'essentiel des textes mathématiques que nous connaissons aujourd'hui, qui datent de cette époque et qui sont des exercices d'écoliers et des productions d'érudits. Alors, on ne sait pas très bien quelle était la place des érudits dans ces écoles, de quoi ils vivaient, le fonctionnement de l'enseignement. On a quelques éléments qui permettent d'avoir des informations là-dessus, mais en tout cas, c'est dans le contexte de ces écoles de scribes que ces textes d'érudition, dont Plimpton 322, ont été écrits. Et ces écoles avaient des élèves, les élèves faisaient des exercices sur l'argile. Et ces exercices sur l'argile, comme tous les exercices d'écoliers, étaient destinés à être détruits. Ils étaient donc détruits, mais pour détruire, comme l'argile était quand même un matériau relativement utile, ils étaient recyclés, réemployés, en particulier dans les constructions, ce qui fait que c'est une forme de destruction qui les a conservés, ces exercices de scolaires, et que donc ils sont parvenus jusqu'à nous par milliers et par milliers. Et donc on a en particulier des centaines, peut-être même des milliers d'exercices de mathématiques qui nous permettent de savoir comment ces érudits étaient formés et donc d'avoir un accès tout à fait singulier et qui a pas d'équivalent ailleurs, je crois, sur la façon dont les érudits étaient formés, quelles notions mathématiques on leur enseignait, comment, dans quel ordre. Et donc j'en reviens à la question du contexte de tout à l'heure. On sait d'une certaine façon, on sait assez bien quel genre de mathématiques pratiquer. Et donc, quels sont les. Et pourquoi cette histoire d'angle est une notion complètement extérieure à cet univers-là? Parce que cet univers mathématique, on le connaît dans ses fondements, c'est-à-dire dans les choses élémentaires qu'on apprenait aux enfants dans les écoles. Un mot, Jean-Jacques Glasner, sur ces documents. On voit bien qu'on a basculé là, pour le coup, vers un enseignement des mathématiques, donc vers une capacité d'abstraction mathématique. On s'éloigne des cas pratiques et concrets que vous décriviez l'un et l'autre tout à l'heure. Oui, on s'éloigne des cas concrets, mais on reste dans la pensée par cas. Ça c'est une chose qu'il faut bien comprendre, et donc on reste dans une casuistique. La même méthode était utilisée pour la divination, pour la médecine, c'est ce que disait Christine Pousse tout à l'heure, ou pour le droit. Le code d'Hammurabi est une accumulation de jugements, dont certains ont pu être rendus, d'autres jamais, mais qui fait apparaître, par exemple, c'est assez récent comme découverte, enfin c'est une proposition de travail, qu'il y a deux articles du code d'Hammurabi qui mettent en évidence la présomption d'innocence. Donc on voit qu'il y a une réflexion derrière l'écriture de ces codes, mais que cette présomption d'innocence, on ne la présente pas. On dit, si dans tel cas il y a ceci, si un homme accuse un autre de meurtre mais qu'il n'en fait pas la preuve, on tue l'accusateur. Si une femme est accusée d'avoir eu des ébats sexuels en dehors du mariage, on lui fait ceci, mais si ce n'est pas prouvé, c'est la femme ou la personne qui l'accuse qui aura la... Donc on voit la présomption d'innocence se dessiner sans qu'elle soit jamais exprimée. Et si on demande à un Babylonien de dire qu'est-ce que la présomption d'innocence, il ne dira rien, il citera les deux articles du code d'Hammurabi, plus quelques autres ailleurs, vous voyez. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc il faut bien voir ça, il n'y a pas seulement le concret et l'abstrait, il y a la façon de penser. Et c'est similaire pour le calcul. Et c'est similaire, divination que je connais mieux que les mathématiques, c'est de l'arithmétique puisqu'il n'y a pas de géométrie, c'est pareil, on choisit une thématique sociale autour de laquelle on construit des listes. Et chaque terme de la liste est un exemple différent. Mais l'ensemble des exemples ne fait pas une synthèse, il reste l'ensemble des exemples, et quand on vous interroge, vous récitez par cœur l'ensemble des... Et ça, c'est une chose qui a, Bourdieu l'a bien montré dans d'autres domaines que la Mésopotamie, les érudits, les savants, les intellectuels, mais aussi les autres, ils reproduisent toute leur vie les méthodes qu'ils ont apprises à l'école. Or, les lois et les textes divinatoires étaient appris par cœur dans les écoles en même temps qu'ils étaient écrits. Alors, on a parlé de ce système de numération babylonien, on a parlé de système sexagésimal, qui peut être de position ou non. Le mieux pour comprendre comment fonctionne cette numération, eh bien, c'est d'aller la voir. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes donc rendu à la maison de l'archéologie pour comprendre précisément comment fonctionne ce système sexagésimal cunéiforme. Oui, parce que les scribes ont laissé, comme vous l'avez dit, derrière eux une quantité incroyable de textes, des textes écrits en cunéiforme qui ont été imprimés au bambou sur de l'argile. Alors la plupart datent du deuxième millénaire et permettent de retrouver les méthodes de calcul, les multiplications, les conversions numériques ou les mesures de grandeur. Cécile Michel avait toute une collection de tablettes quand je suis allée la voir à l'université de Nanterre. Elle est historienne et spécialiste de l'écriture cunéiforme de l'Assyrie, une région de Mésopotamie du Nord où l'enseignement des mathématiques était très important. Moi, je m'intéresse à la paléographie, c'est-à-dire que j'étudie les manuscrits. Ici, on a une tablette en argile séchée, mais je vais vous montrer aussi, avec de l'argile fraîche, comment est-ce que ce système d'écriture cunéiforme était absolument ingénieux. D'abord, ingénieux par le support lui-même, parce que la Mésopotamie est très pauvre. Elle a grosso modo de l'eau, des roseaux, de la terre et de l'argile. Donc, de façon très ingénieuse pour l'écriture, ils utilisent les ressources locales, c'est-à-dire l'argile, le roseau pour tailler le stylet et puis un peu d'eau pour mouiller l'argile. Alors là, vous avez pris un bout d'argile un peu ductile, humide, et là, vous faites une boulette entre vos mains. Et voilà, j'ai fait une petite boule. Donc, je vous ai expliqué que pour faire les tablettes scolaires rapidement, on faisait une boule, on l'aplatissait et ça donne ces petites tablettes en forme de lentilles sur lesquelles ils s'exerçaient pour faire. Donc, ils faisaient leurs exercices, ils allaient voir le maître, ils montraient le résultat, et puis une fois que c'était fini, eh bien, on remettait l'argile dans une jarre avec un fond d'eau et on pouvait recommencer indéfiniment. Mais alors là, il faut agir vite, il faut calculer vite quand même, parce que l'argile est encore malléable, et s'il faut écrire vite avant qu'elle soit totalement sèche. Alors, l'argile est malléable pendant un certain temps. Hein. Et, vous avez des tablettes très très très longues avec plus d'une centaine de lignes et ça a été écrit sans doute d'ingé. Alors là, vous prenez votre outil pour graver la tablette lenticulaire. Alors, je ne vais pas la graver, je vais imprimer. Alors, mon outil aujourd'hui, ce n'est pas du roseau. Ce sont les baguettes de restaurant chinois qui ont une section carrée. Donc, je prends un angle de ma section carrée et pour obtenir un petit clou d'argile, j'imprime l'angle et je baisse pour faire la tige du clou et on obtient tout de suite un clou. Et donc vous voyez, pour comprendre comment fonctionne l'écriture, on est obligé de la pratiquer soi-même. Ici on a un texte qui présente une table de métrologie, donc qu'est-ce qu'on mesure ici? Pour ce qui est des mathématiques, ils commençaient à apprendre des listes numériques et des listes métrologiques, c'est-à-dire qu'ils apprenaient à écrire et ils apprenaient la progression des unités de valeur dans le système des capacités, des longueurs, des poids et des surfaces, et donc ils apprenaient les tables de multiplication, les tables d'inverse, pour pouvoir effectuer des divisions, il fallait multiplier par l'inverse. L'inverse en base 60, c'est-à-dire que 30 et 2 sont des inverses en base 60, par voilà. exemple. Voilà, quand vous multipliez un nombre par son inverse, vous obtenez 1. Donc, on va prendre le système des poids. Vous avez 1 guin. C'est quoi le guin? Alors, un guin, c'est à peu près 8 grammes, hein, grosso modo. Vous avez une mine qui est l'unité supérieure. Il faut 60 guins pour obtenir une mana. C'est l'unité supérieure. Et de même, il faudra 60 mana pour obtenir un goût, qu'on traduit par talent. Et donc, chez les Babyloniens à cette époque-là, ils ont un signe particulier pour un tiers, un demi, deux tiers et cinq sixièmes. Donc, vous voyez, ce texte présente les différentes fractions possibles pour lesquelles ils ont un signe de la mana. Et alors, on n'appelle pas ça une liste métrologique, mais une table, parce que vous avez une deuxième colonne. Et cette deuxième colonne donne l'équivalent dans le système sexagésimal positionnel. Ce sont les nombres abstraits dans le système sexagésimal positionnel qui correspondent à ces quantités mesurées. Le but, c'était un peu de faciliter la manipulation de ces nombres-là dans les échanges? Pas dans les échanges, mais dans les calculs. Parce qu'en fait, on ne calcule jamais sur les quantités avec les unités métrologiques. On calcule toujours après avoir converti ces nombres dans le système sexagésimal. Mais ce système n'est pas universel en Mésopotamie. À la même époque, exactement à la même époque, et là on va passer à un autre exemple, on a des marchands qui étaient installés à Achour, en Irak, et qui ont instauré un commerce à très longue distance avec l'Anatolie centrale, à plus de 1300 km de chez eux à vol d'oiseau. Et là ils ont établi tout un système de réseaux de comptoirs de commerce. Et ces marchands commercent essentiellement des étoffes et de l'étain, tout ce qui est métal est pesé. Et là on s'aperçoit qu'ils n'ont pas de table de conversion. Donc, on est obligé de penser à un autre système de calcul. Et j'ai étudié cette liste métrologique, donc c'est la tablette que vous avez là, elle est assez, on va dire, pas du tout soignée. On voit très bien que c'est un exercice d'écolier. Ça fait un peu brouillon comme ça, c'est plus les belles colonnes qu'on avait tout à l'heure. Exactement. Elle est très très épaisse, elle est très mal rédigée, et vraiment c'est un apprenti script qui essaye de mémoriser le système métrologique des poids. Et j'ai comparé le contenu de cette liste métrologique assyrienne du début du deuxième millénaire aux listes de la même époque produites par les Babyloniens, et c'est pas du tout la même chose. Les mêmes listes produites par les Babyloniens sont très rigoureuses, très systématiques, la progression est extrêmement régulière, depuis les plus petites unités jusqu'à la plus grande unité. Dans cette liste métrologique assyrienne, eh bien c'est complètement différent. Par exemple, le scribe progresse avec la liste des manas, et puis tout d'un coup, il rajoute une progression en parallèle avec la liste d'échecs et la plus petite unité. D'abord, il a rajouté des signes pour des fractions. Il y a des signes supplémentaires chez les Assyriens. On a inventé des signes pour écrire le sixième et le quart, ce qui n'existe pas chez les Babyloniens. Par contre, ils n'utilisent pas la petite formule pour écrire les inverses. Donc déjà, ils ne connaissent pas le cinquième. Et ces quelques textes scolaires montrent immédiatement que ces marchands apprenaient ce dont ils avaient besoin et rien d'autre. Et ce système, bon, c'est encore quelque chose en investigation pour essayer de reconstituer complètement les méthodes de calcul qu'ils utilisaient. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que dans tous les milieux marchands, n'importe où sur la planète, on a toujours privilégié le système de calcul sur les fractions, avec des fractions. Et ça a duré jusque très tardivement, dans les années 1970, les banques en Europe, aux États-Unis, utilisaient encore les calculs fractionnaires. Et le passage au décimal est arrivé avec l'informatique, dans les milieux économiques et marchands. Voilà le reportage du jour pour essayer de comprendre les bases de ce système sexagésimal assyrien, en l'occurrence. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Christine Proust? Oui, c'est la caractéristique de ces mathématiques d'époque paléo-babylonienne qui travaillaient sur ces nombres en base 60. Bon, pour comprendre les nombres en base 60, c'est très facile, hein, vous pensez aux secondes, les minutes et les heures. C'est comme si vous faisiez tous les calculs avec des secondes, des minutes et des heures, plus des soixantaines d'heures, des soixantaines de soixantaines d'heures, etc. à l'infini, des soixantièmes de secondes, et etc. à l'infini. Bon, grosso modo, hein, c'est ça. Et donc ces mathématiciens travaillaient avec ce système et pas avec les fractions. Et donc ce que Cécile Michel souligne est très frappant et montre la différence qu'il y a entre des pratiques mathématiques dans un milieu savant qui est celui des écoles et des pratiques mathématiques dans des milieux de marchands qui sont contemporains, qui éventuellement pouvaient se dérouler dans les mêmes régions, mais qui avaient d'autres méthodes. Dans ces cas-là, mais c'est pas toujours le cas. La coexistence de plusieurs systèmes de numération. Vous avez mentionné à plusieurs reprises, Christine Proust, quelque chose d'important, c'est l'apparition de la numération de position qui n'est pas immédiate, qui est plus tardive, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez nous expliquer à partir de quand on en trouve des signes, si on en trouve déjà des signes à cette époque-là, et qu'est-ce que ça change précisément dans l'écriture de cette numération base 60? Alors les traces les plus anciennes que nous connaissions de la notation sexagésimale positionnelle datent de la fin du troisième millénaire avant notre ère, l'époque dite Ur III ou néo-sumérienne ou troisième dynastie d'Ur, tout ça veut dire la même chose. Et donc c'est la fin du troisième millénaire, et c'est clairement dans le contexte de ces écoles de scribes, peut-être pas les premières parce que des écoles ont dû exister depuis la naissance de l'écriture, mais en tout cas c'est dans le contexte de ces écoles de scribes que cette notation positionnelle a été mise au point. La pratique de la notation de position était probablement plus ancienne et devait remonter à plusieurs générations avant, mais peut-être pas à l'écrit. Plutôt comme système de calcul, alors soit avec des tokens, comme disaient des calculis, comme des calculis, des cailloux, des jetons. Ça. Donc la pratique de la notation de position est probablement antérieure à l'écriture compositionnelle et a dû commencer à se développer au travers d'instruments de calcul non écrits. Je rappelle donc, très brièvement que la notation positionnelle, ça veut dire que le même chiffre n'a pas la même valeur en fonction de sa position, voilà, dans le nombre. Un mot peut-être aussi. On attribue souvent l'invention du zéro à la numérotation dite arabe, qui est en fait un système indien du 3e siècle, mais la numérotation babylonienne propose un zéro également, une forme de zéro. Oui. Alors le problème du zéro, c'est que on donne un nom à des choses qui sont en fait très différentes. Mm-hmm. Et par exemple, c'est pas la même chose d'utiliser le zéro au milieu d'un nombre ou au début ou à la fin. Ça a pas la même signification mathématique. De plus, c'est pas la même chose d'utiliser le chiffre zéro ou de créer un nombre zéro, avec lequel, par exemple, on peut faire des opérations. Ajouter zéro, soustraire zéro, multiplier par zéro, diviser par zéro. Évidemment, ça, c'est un grand problème mathématique, etc., etc. Et donc, le zéro, donc tout dépend de quel zéro on parle. Mmh. Si on parle du zéro, qui est un chiffre qui indique l'absence d'une position au sein du nombre, à l'intérieur des nombres, on peut dire que ce zéro-là, d'une certaine façon, existe dès le deuxième millénaire. Par exemple, dans Plimpton 322, il y a des zéros, mais ces zéros sont des espaces vides. C'est pas un signe. Et ensuite, plus tard, plusieurs siècles plus tard, dans le contexte de l'astronomie, les scribes ont décidé de représenter cet espace vide pour vraiment bien le marquer par un signe spécial qui est un zéro, mais un zéro chiffre, pas un zéro nombre. Un mot peut-être également, ça a été évoqué brièvement dans le reportage, des fonctions algorithmiques que l'on trouve dans ces mathématiques babyloniennes, notamment la racine carrée. On a une tablette qui montre l'apparition de la proposition d'une racine de 2. Une approximation, en tout cas. Voilà, c'est ça, parce que des tables de racines carrées. Alors, les tables de carrés et les tables de racines carrées faisaient partie des tables numériques qui étaient apprises dans les écoles. Donc, on en a trouvé parmi les textes scolaires un certain nombre. Donc, on a des tables qui donnent des nombres et puis la racine carrée, mais uniquement dans le cas où la racine carrée tombe juste d'une certaine façon. Donc, des listes de carrés parfaits. Alors, maintenant, la question de savoir comment on fait quand on cherche la racine d'un nombre qui n'est pas lui-même un carré parfait, c'est-à-dire que la racine ne peut pas être trouvée en valeur exacte. Eh bien, c'est un problème que ces savants qui travaillaient dans les écoles de scribes se sont posés. Et on a des tablettes dans lesquelles il y a des approximations de la racine carrée de 2, de 7, de 11, de 17. Donc, il y avait des algorithmes pour calculer des valeurs approchées des racines carrées. Ces algorithmes étaient certainement excellents parce que les valeurs approchées en question, elles sont extrêmement précises. Et il y a en particulier cette fameuse tablette qui est une des plus célèbres, qui vient après Plimpton 322, mais qui est presque aussi célèbre, où on voit, qui est conservée à l'université Yale, et où on voit, c'est une tablette lenticulaire, donc de forme circulaire, avec un carré, ses diagonales. Sur le côté du carré, il y a marqué la longueur, qui est là, en l'occurrence, 30. Et sur la diagonale, il y a la racine carrée de 2, qui est écrite en valeur approchée et en notation sexagésimale. Et c'est une valeur qui est stupéfiante de précision par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y avait des algorithmes d'approximation. Et c'est une des raisons pour lesquelles la thèse des deux Australiens, elle ne marche pas. Parce que, alors bon, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais on n'a plus énormément de temps. Mais dites-nous brièvement, voilà, en quelques mots. Pour résoudre le triangle rectangle, on prend deux côtés, mettons la longueur, la largeur, on calcule le carré, on ajoute les deux carrés, on a un nombre, il faut extraire la racine carrée. Si elle tombe juste, tant mieux, on a des tables. Si ça tombe pas juste, eh bien, on n'utilise pas la table de Plimpton 322. On fait une approximation. Et c'est cette approximation du type de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est ça qui est attesté dans les textes. Donc, le triangle rectangle était résolu en utilisant essentiellement des racines carrées et des valeurs approchées de racines carrées. Mmh. Et non pas cette table. Christine Proust, dans les quelques minutes, et Jean-Jacques Glasner, dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais, on a dit qu'on a eu effectivement une profusion de sources autour de ces tablettes d'école de scribe. Il va y avoir une rupture hein, dans le continuum. On retrouve des sources beaucoup plus tardives et se pose la question du transfert de savoir mathématique entre ces deux moments historiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Quelle est l'évolution que l'on peut constater et éventuellement la perte ou le gain de connaissances mathématiques que l'on retrouve a posteriori? Christine Proust. Oui, d'accord. Alors, la première observation, c'est que tout ce dont on a parlé s'est transmis jusqu'au premier millénaire. Donc, il y a eu une transmission, d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas eu de rupture complète et d'oubli et un redémarrage à zéro. Il y a eu une transmission. Maintenant, tout ne s'est pas transmis, visiblement. Une partie de ces savoirs se sont transmis. Comment ? Alors, est-ce que c'est uniquement une tradition orale ou est-ce qu'il y a eu des supports écrits? Alors, le problème qui se pose, c'est que à un certain stade du développement des pratiques d'écriture en Mésopotamie, les scribes ont commencé à utiliser autre chose que l'argile, et en particulier le papyrus, la peau, c'est-à-dire des supports périssables. Qui se dégradent. Et donc, la transmission a pu avoir lieu par écrit sur des supports périssables ou pas, on ne sait pas. Jean-Jacques Glasner. Oui, le problème de la transmission est extrêmement difficile parce qu'il y a ce que vient de dire Christine Proust et puis il y a... Nous dépendons des fouilles archéologiques, il y a le hasard des fouilles archéologiques. Or, il est extraordinaire que pour des domaines scientifiques extrêmement importants, et même pour la littérature, entre le vieux babylonien, mettons 1800-1700, et le néo-assyrien, néo-babylonien vers 700-600, il y a un creux. Mm-hmm. Les rares indications dans la transmission ne viennent pas de Mésopotamie, mais des pays périphériques. C'est-à-dire de Syrie, d'Anatolie ou de Palestine. C'est curieux. Donc voilà, c'est le défaut des fouilles. Il n'y a pas eu de découverte majeure. Ça peut venir. Si on ne casse pas tout d'ici quelques années, ça peut toujours venir. Donc il faut tenir compte de cela. La manière dont nous travaillons, c'est le hasard des fouilles, en bonne partie. Ensuite, l'école. Eh bien, je terminerai là-dessus mm-hmm. rapidement. Dès les premiers textes, ça se compte sur les doigts d'une ou deux, trois mains. Quoi. Dès le moment où les premiers textes nous apparaissent sous nos yeux, il y a une ou deux tablettes qui sont des tablettes scolaires. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite compris, ceux qui inventaient l'écriture, que s'ils ne l'enseignaient pas et ne la diffusaient pas, c'était une chose qui était morte avec leur propre mort. Eh bien, cette école et cette perception, il faut transmettre. Elle a duré toute la période mésopotamienne du 4e millénaire au 1er. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Jacques Glasner, merci beaucoup Christine Proust d'avoir été avec nous en duplex depuis Montpellier. Merci évidemment à nos confrères de France Bleu Héros pour les moyens techniques et le duplex. Vous pouvez retrouver cette émission, le reportage et tous les liens sur le fil Twitter de l'émission, hein, comme d'habitude, à la méthode FC, ainsi que sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et merci à toute la chouette équipe de la méthode scientifique, Hugo Bartholomei, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Ève Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Jacques Azubert à la technique, Victor Buton au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure à 18h20, le grain à moudre, Hervé Gardette posera à ses invités la question suivante, faut-il une autre médecine pour les femmes? Ce sera juste après le journal de 18h, et puis dans quelques instants, quatrième et dernier épisode de la série documentaire de la semaine, Sommes-nous libres de nos habits, par Emmanuel Paul et Christine Robert. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, c'est notre table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Nous reviendrons sur la double médaille d'or du CNRS, mais aussi sur l'inflation de l'univers, sur une avancée importante dans la recherche autour du VIH et quelques lieux terrestres qui échappent encore à la compréhension de la science. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.